Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Le hockey. Autant jadis, à une époque plus barbare que la nôtre, diront certains, sévissaient des combats sous forme de mêlée entre gladiateurs sous les regards avides de sang des spectateurs. Ainsi, les instincts violents des témoins étaient-ils assouvis par projection devant ces visions d'hommes virils qui s'affrontaient jusqu'à la mort? De nos jours, on retrouve la même émotion dans un duel plus étiolé de combattants sous la forme du hockey. D'ailleurs, le terme « arena » viendrait probablement de l'arène ovale où combattaient les gladiateurs et qui désignait au départ le sable qui le constituait. « Arena » signifie « sable » en latin. Autour de l'arène se constituaient des estrades en paliers, très semblables à ceux que nous retrouvons dans l'arène moderne. Le culte voué aux joueurs par les partisans s'apparente également à celui que l'on voit aux gladiateurs de l'époque romaine qui, au tout début, étaient des combattants dont le sang était censé apaiser les manes, sorte de divinité romaine des armes. De plus, le star system qui entoure les joueurs actuels n'a rien à envier à la renommée qui entourait les gladiateurs à l'époque. La période contemporaine a vu s'apaiser les mœurs, et ainsi, on n'accepterait plus que le spectacle mette à mort leurs protagonistes. Pourtant, l'être humain a tout de même besoin de lutte et de violence, même sous forme plus atténuée. Et à ce titre, le hockey s'avère une formation de compromis acceptable, mais toujours basée sur la même idée de domination de l'homme sur l'homme dans un duel viril. La même analyse aurait pu être, d'ailleurs, faite avec le soccer ou football européen dans moult autres pays d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Afrique où ce sport a une valeur symbolique semblable à celle qu'a pour nous le hockey. Dans le hockey, l'équipe locale devient tributaire de l'orgueil de toute la communauté en affrontant les communautés situées autour dans un match où il y a nécessairement un gagnant et un perdant. Autant dire une équipe humiliée et une autre en état de grâce. On n'a qu'à constater l'allégresse qui s'éprend des amateurs pour se rendre compte que l'orgueil des gagnants crée un effet de halo sur toute la communauté victorieuse. Et de la même manière, vous n'avez qu'à entendre un fan scander « On a gagné !» pour comprendre qu'il sent véritablement le triomphe comme sien, se l'approprie, d'autant qu'il s'agit de son équipe. L'effet inverse est également vrai. Bien que l'on accepte que son équipe perde parfois, plusieurs défaites consécutives apportent la honte à une équipe, et à ses partisans, et à toute la communauté par un semblable effet de halo. C'est l'humiliation de la défaite qui laisse un goût amer à la collectivité entière. Voilà quelques années, les joutes entre les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal prenaient ainsi allure de combat épique, puisqu'ils reflétaient un antagonisme déjà violent entre Canadiens français et Canadiens anglais. Les victoires de Maurice Richard ainsi représentaient le triomphe de tous les prolétaires du Québec, qui se voyaient en lui et se reconnaissaient dans son histoire. Vous venez d'entendre une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou.